Ça vous dit quelque chose, la théorie du chaos? Human beatbox spécial pour Kerox. K.O.L.S. Oh yeah! Kerox. Wow. Kerox. Théorie du chaos. Théorie du chaos. Théorie du chaos. Mystic record, what? Whoa, what? Dans les bacs, c'est dans les bacs, t'entends, théorie du chaos. Dirty South, baby. Ça vient du sud, mec. Sud, mec. Edward Lorenz a bâti la théorie du chaos dans les années 60. C'est l'étude de phénomènes qui paraissent aléatoires, mais qui présentent un facteur de régularité qu'on peut mathématiquement démontrer. Et en clair ? Non, en gros, au départ, les événements peuvent sembler aléatoires et sans rapport. Mais en fin de compte, un schéma se définit. Et à l'arrivée, toutes les pièces du puzzle s'ordonnent.